un phénomène étrange, issu on ne sait d'où, perturbe mes repas, me donnant la nausée. Une douleur vive m'envahit d'un seul coup, qui, invariablement, me pousse à me lever. Je ne m'explique pas le sanglot qui m'étreint, ni les larmes qui montent en humectant les yeux. Nulle épice violente au menu ce matin, pas de traces d'oignon, ou alors si peu. Un écran lumineux placé en bout de table m'adresse les images de l'actualité qui, depuis quelques jours, devenue redoutable, propose la vision de flots de réfugiés. J'avais presque oublié les premiers souvenirs de l'enfant de 5 ans, dans la neige chassée, de la maison détruite, des gelures aux pieds, du sinistre total, du génie de détruire. L'incurable bipède, maître des animaux, peut devenir un monstre, assoiffé de forfaits. L'histoire se renouvelle en rejetant le beau. La cruauté s'affirme. La bêtise renaît.